Christ. Nous allons l'adorer, Dieu. Lui seul nous a aimés. Que ce Dieu-là nous montre sa gloire. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre roi de tous les temps. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es notre roi. Ta gloire, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Alors Dieu, ça dépend du Dieu. Il m'a dit que ici, il m'a donné le nom du Dieu. Eux, ils appellent ça Dieu. On appelle ça en anglais goodness. Voilà, c'est des petits dieux. Il m'a donné le nom. Il me dit que c'est lui là avec qui je vais traiter. C'est lui qui va me donner la puissance, ce que je veux. C'est à lui que je vais faire le sacrifice des cheveux. Ok, et tu as expliqué tout à l'heure que le sacrifice des cheveux, en fait, l'essentiel, c'est d'avoir, de donner une, quelque chose. Une partie de ton corps. Il y en a qui donnent les organes. Oui, il y en a qui donnent, comme on a deux poumons, il y en a qui donnent un poumon. Deux reins, les reins. Les reins, voilà, un rein. Ça dépend. Il y en a qui donnent les cheveux, il y en a qui donnent quelque chose qui t'appartient. Mais le plus vulgaire, c'est le cheveu. C'est les cheveux. C'est le plus grand business. Alors il m'a dit, tu vas pas me voir. La montagne là, je ne sais même pas s'il y a une montagne autre comme ça au Cameroun ici, où ils font leur temple là. C'est tellement haut pour marcher, tu peux marcher, pour monter cette dans montagne. Dans quelle ville en Inde? On a Tirupati. C'est dans le sud, à côté de où Bill Gates forme les gens pour Microsoft. C'est dans la même ville. Pourquoi il y a Bill Gates allé là-bas? Il sait, ils sont là, tu as bien demandé. C'est les mêmes gens. Alors il me dit qu'on va t'amener là-bas. Le monde est pourri. Il me dit, ok, moi je vais partir avant parce que moi je vais faire les sacrifices, les rituels que je dois faire. Tu vas venir avec ma femme et mes soeurs et tout. Donc on doit faire des rituels avant de donner ces bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose. Il m'a dit qu'il devait commencer les rituels à 22h et il devait avoir ses cheveux coupés à 2h du matin ou 2h30. Mais c'est toi-même qui coupes tes cheveux. Non, il y a les maîtres gourous, il y a les maîtres spirituels qui sont assis. C'est une salle. J'ai vu la salle, je suis entrée dans la salle. Parce qu'ils viennent du... Tu sais, en Inde, les classes sociales ne se mélangent pas. Parce qu'eux, ils viennent d'une classe... On va aller... Parce que ça, c'est ton témoignage de l'Inde. On va aller doucement. D'accord? Parce que les soeurs, quand les soeurs nous entendent, on parle des mèches et des choses, des dangers, de ces choses-là. Tu as vécu en... Oh, j'ai vu, c'est pas ce qu'on... J'ai vu. Voilà. Moi-même, je mettais les mèches. À l'issue de ça, tu n'as plus... Oh, j'ai dit, est-ce que je touche même encore? Allons-y à la base. Donc, ça veut dire que les gens qui t'ont invité sont des Indiens, qui les sont des Indiens. Hautes classes sociales. Oui, ils sont on peut le désirer en voyant leur classe sociale, en croyant, en ne sachant pas où ça... D'où ça vient, oui. À l'issue de cela, tu as compris maintenant d'où vient leur richesse. Oui. Explique-nous du début jusqu'à la fin, allons-y. Leur richesse vient de leurs rituels. Oui, parce que dans leur village, la Tirupati, eux, leur famille, c'est la famille gérante. Donc, tous les business, la classe dirigeante. Donc, eux, là, tous les statues, là, qui sont là-bas, c'est eux qui construisent ça. Et l'argent vient de leur spiritualité. Okay. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils investissent dans les statues, les amulettes de leur divinité. Leur divinité leur donne l'argent. L'argent. Oui, l'argent, l'argent n'est pas normal. Oui. L'argent vient de leur divinité. Oui. Et puis, leur mission, leur business prospère. Oui, leur business prospère. Et leur, en retour, ils font connaître ces dieux-là d'une certaine façon. Oui, ils font la publicité. Les sculptures oui. Et partout. En divulguant dans le monde. Oui. Ils sont dans l'industrie agroalimentaire. Ils font des riz qu'on distribue en Afrique avec des trucs des éléphants dessus. Voilà. Continuons. C'est bizarre parce qu'on s'était connus au Canada. On s'était connus comme ça. Mais Dieu a voulu que nous soyons de bons amis. Et ils m'ont invité. Ils ont dit que viens, on va te montrer de quoi. Comment on adore. Oui, comment on adore. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous priez, Dieu ne se manifeste pas. On va te montrer comment on fait chez nous. Donc quand je suis parti là-bas, c'était ça. J'ai vu ça. Il me dit, nous on va partir au temple. Là, il veut montrer effectivement que leur Dieu est plus fort. Est plus fort et plus pratique. aéroport et tic-o-tac. Tic-o-tac. Oui. Que notre Dieu dort. Voilà. Oui, notre Dieu, on attend trop. Pour eux, c'est du tic-o-tac. Et ils m'avaient aussi dit qu'ils ont plus d'un million de divinités. Ça dépend de ce que tu veux. Il y a d'une tête la santé, l'éducation, l'intelligence. Ils connaissent tous les noms. Donc, oui, ils m'avaient dit ça. Ils m'avaient dit que moi, comme j'ai envie de faire le business en Europe, je vais finir au Canada. Tu as vu, il a rapporté beaucoup d'argent du Canada. Il a rapporté beaucoup. Il m'a dit, c'est tel Dieu qui m'avait donné l'argent là. Maintenant, c'est un autre Dieu que je vais prier. De la finale le Dieu là. Il a fini avec le Dieu là. Mais là, c'est un autre Dieu que je vais prier. Mais ce Dieu là, avec ce Dieu là, il faut donner quelque chose. Je vais donner mes cheveux. Il dit, c'est pour ça que je n'ai pas coupé mes cheveux depuis. Il a laissé les cheveux pousser. Il a laissé les cheveux pousser. Pousser à cette grande longueur. Oui, pousser Dieu là. Pousser Dieu là. Oui, il a dit, plus c'est long, plus tu auras la puissance que tu veux. Parce que quand ils vendent les cheveux là, plus les esprits aiment les longs cheveux. Oui. Donc il n'avait pas coupé ses cheveux depuis. C'est un nom. C'est un nom, il vient encore. Je garde cela. Cet apostre levé utilisé pour poser une question tout à l'heure, les esprits aiment le long cheveu. Oui. Mais continue ma soeur. Donc vous quittez ou préparez votre voyage du Canada pour l'Inde. Oui, moi je suis. Voilà. Ils sont rentrés. Ils sont allés en Inde. Et puis j'ai programmé le voyage. Et tu devais venir par la suite. Oui, je suis venu. Oui. Alors j'arrive. Ils sont à Tirupati. C'est là qu'ils sont. Oui, alors ils me disent que ici, chez nous, nous c'est la classe dirigeante. C'est la classe aisée. Il faut aller voir. Ils ne souffrent pas. Non. Dans un Inde qui est en même temps l'un des pays les plus. Vous parlez de la richesse. Nous, on n'est pas riche en Afrique. Je n'ai jamais vu. Les femmes là-bas s'échangent toutes les heures. Elles marient des cheveux jusqu'aux sandales, des bijoux. C'est impressionnant. C'est la même décoration comme ça. Moi, je l'ai regardé seulement comme ça. Moi, je l'ai regardé comme les. Tu dis que les fleurs même vieillissent. Elles ne travaillent pas. Elles s'échangent toutes les heures. Dans la famille de ces messieurs. Dans la famille. Elles changent. Les cheveux là, ce qui décore les cheveux. Ce sont les déesses alors. Ce sont les déesses. Et puis ils ont des domestiques. Ce que le Seigneur appelle l'exagération, l'opulence. Ils vivaient, mais à côté d'eux, il y en a qui mendient. Ils mendient dans la poubelle. Oui, mendient dans la poubelle. Bienvenue à Calcutta. J'ai voulu donner un jour, j'ai voulu donner un franc à leur agent là. Ils m'ont dit. Et si on ne donne pas, s'ils sont nés comme ça, c'est leur incarnation. C'est la loi du karma. C'est la loi du karma. Donc, il faut qu'ils souffrent comme ça pour le faire sortir. Oui, ils disent, si on ne se mélange pas, tu n'as pas le droit. On ne peut pas, on les regarde. C'est leur incarnation. Là, peut-être la prochaine incarnation, ils seront bien, mais ils ont le droit de vivre. Il faut qu'ils souffrent comme ça. Ils souffrent comme ça. Ils prennent cette misère comme étant peut-être une chose qu'ils ont fait dans une mauvaise vie. Oui. Il faut qu'ils aient plus ça dans la chair. Oui, oui, oui. Tu vois les enfants qui vivent. Les autoroutes là, en bas là, tu vois les maisons en carton, les gens vivent dans ça. Et les enfants donc de 2 ans, je leur dis que nous sommes pauvres en Afrique, mais nous là en Afrique là c'est pas à ce niveau là. Pour eux c'est normal. Dis que non, don't even worry, c'est normal qu'ils souffrent comme ça. Alors je suis arrivée chez eux, j'ai vu. Quand je suis arrivée chez eux, sur la porte il y avait l'éléphant là. Il dit que ça c'est lui le gardien. Ou il appelait comment, je me rappelle plus. Quand nous sommes encore arrivés, il y avait une géante statue comme ça dans un truc comme un miroir, une vitrine. Ou bien ça tournait où? Ou la statue là faisait quoi de ce bâtiment? Il a fait quelque chose. J'ai entendu un bruit. J'ai dit que c'est quoi? Il dit qu'il est ici. J'ai dit qu'il est. Oui, il me dit, j'ai demandé est-ce qu'il vit. Il dit que ben, bien sûr, c'est mon Dieu. J'ai regardé l'histoire là comme ça. Je ne dis rien. Et puis. Tu n'as pas dit Jesus? Non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dire Jesus. C'était effrayant. Il dit ici en Inde, chaque famille a sa chambre où est payée les statues. Mais dit la première chambre ici, tu ne peux pas entrer, c'est là que nous on fait nos choses. C'est mon père et Swami, dont son père est. Mais là, pourquoi cette personne s'ouvre à toi facilement en donnant les secrets comme ça? Il s'ouvre à moi parce qu'il savait, parce que j'étais étrangère. Il m'avait déjà parlé de leur religion. Il me disait que leur religion était puissante. Moi, je lui disais que pas comme ce que nous on fait en Afrique, que la sorcellerie a fait. Il dit que vous, c'est les bébés. Viens, je vais te montrer. C'est cela qu'il me montre, oui. Il dit que vous, les Africains, la sorcellerie, c'est le bébé. Nous, là, c'est concret. C'est tic au tac. Viens, je vais te montrer. C'est cela qu'il me montrait tout ça. Il m'a montré, il m'a dit, là tu ne peux pas entrer. Il m'a montré les rituels, la nourriture qu'ils ont donné ce jour-là. Parce que la nourriture, là, ils changent ça 2 fois par jour. La nourriture qu'ils mettent devant les statues, avec l'eau. Attends, ils mettent comme ça, les statues ne mangent pas, mais ils viennent prendre encore. Il dit, mais pour eux, ils mangent. Donc s'ils mettent le déjeuner, ils doivent mettre le repas de midi et le repas du soir. C'est 3 fois par jour. Mais là, après, ils viennent prendre ce repas qu'ils ont mis là-bas, ils partent verser. Oui, ils disent qu'ils ont mangé. C'est ça qu'ils disent. Ils disent que la statue, les dieux là ont mangé, qu'est le moment de changer. Donc ils changent 3 fois par jour. Avec l'eau, ils changent. Mais ils disent qu'ici, c'est la première. Ils disent chez nous, les Indiens, les hindous, la première chambre est la chambre de nos dieux. C'est là qu'on fait les prières. Tu ne peux pas entrer parce que tu n'es pas indien. On ne devient pas hindou, on est hindou. Mais dit, parce que tu n'es pas hindou, je ne peux pas te faire entrer sa maison, je vais te faire savoir. Il m'a fait visiter sa maison. Il y avait des choses. Tu sentais que c'est une maison hantée. Mais jusqu'à là, tu sais, comme je dis, je lisais la Bible, mais pas tellement. Je ne comprenais pas profondeur, mais j'étais juste épatée par les statues, par les décorations, par la façon dont ils... Oui, le luxe, excellent. Et puis la façon dont ils faisaient les choses. Ils ne font, les Indiens ne font rien sans invoquer les dieux. Ils invoquent les dieux là, partout et n'importe où. Partout et n'importe. Ils sont toujours en train de prier, toujours en train d'évoquer, toujours en train. C'est ça qui m'avait impressionné. Alors, nous sommes allés, il m'a montré. J'ai dit, mais pourquoi il y a les statues comme ça? Il dit que c'est ma famille qui construit tout ça. C'est notre famille. Et il dit que c'est ça notre devoir, faire connaître la religion. Il m'a montré une statue qu'ils étaient en train de construire. Il me dit que c'est nous. Il dit, nous sommes vénérés ici. Parce que c'est à nous que ça a été donné. Nous sommes les plus riches. Donc, ça, c'est plus génial. Ça, c'est le, tu as le nom de la famille, de ceux-là, de la famille-là, tu as le nom. Oui, tu es vénéré. Il me dit, on ne se mélange pas. On garde la race pure. Oui, on se marie entre nous. Et dans ce, il m'a dit, dans cette famille, les filles se mariaient à 13 ans. Et il m'a montré sa soeur qui était mariée à 13 ans, effectivement. Et il avait sa cousine qui avait peut-être 12 ans, qui était déjà fiancée à un homme. Généralement, il marie 2 ans d'écart maximum. Il marie maximum 2 ans d'écart. Il disait, c'est la meilleure façon de perpétuer. Il disait que c'était la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il disait que c'était la meilleure façon de perpétuer la religion. La religion, oui, que ça reste pur, ne se mélange pas. Alors, il m'a montré ça, m'a tout expliqué. J'ai dit d'accord, il me dit demain. Mardi, il me dit vendredi, je vais t'amener. Où tu vas voir alors. Il me dit que tu vas voir où nous allons, les Indiens. Il me dit, toi, je vais t'amener parce que je viens de la famille. Dirigeant, sinon on n'accepte pas les étrangers là-bas. Je vais t'amener, tu vas voir notre... C'est un commandant, il peut te faire entrer. Oui, il m'a dit, tu vas voir notre grand Dieu. Quand il me dit ça, je croyais que j'allais voir quelque chose. On a fait Laurent, les gens qui vont là-bas, ils font 3 jours pour arriver au sommet. Trois jours, c'est pas ce qu'on dit. L'entrée commence comme l'entrée de la ville de Douala. Il y a comme, c'est comme un cercle. Et il y a la police. Il y a la file. Oui, comme un serpent. Ils vont étape par étape. Donc, premier, vous allez à cette étape, vous dormez debout ou assis. Deuxième, je vous relevez, vous continuez pour arriver au sommet. Dans la montagne, les montagnes. C'est terrible, dans les montagnes. Et la ville est extrêmement gardée par la police indienne. Extrêmement, ils sont extrêmement armés. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Et l'or commence à l'entrée. Tu vois, tout est en or. Je n'ai jamais vu l'or. Je n'ai jamais vu l'or de ma vie. Les poteaux. Tout est en or. Les portes. Je n'ai jamais vu quelque chose de brillant comme ça dans ma vie. Si ce n'est pas l'or, c'est le diamant. Pur. Ce n'est pas ce qu'on dit. Alors nous sommes arrivés, il dit, je vais te montrer que je suis puissant. C'est parce qu'au Canada, les Canadiens me traitaient comment. Je vais te montrer que ma famille, je viens d'une bonne famille. Alors on était avec ses soeurs, ses frères, on a formé une bonne bande là. Ils ont pris, ils m'ont changé, ils m'ont dit de me changer. Ils ne pouvaient pas aller avec mes habits là. Ils m'ont donné leurs habits tout là. Les saris, ils m'ont donné ça. Et ils m'ont mis le truc là. Ils ont dit, oui, ils m'ont dit que s'ils ne me mettent pas, ça ne va pas me laisser entrer. Ça veut dire que j'appartiens, je ne sais pas, à leur religion. Oui, quelque chose comme ça. Ils m'ont mis ça et puis ils m'ont donné autre chose pour mettre à la main. J'ai mis. Maintenant, il avait dit. En étant ton cœur ne battait pas avec la Bible. J'étais plus curieux. Non, à cette époque, je ne lisais pas beaucoup la Bible. J'étais plus curieuse de voir le Dieu qu'ils adorent là. Aussi la montagne. Oui. Alors quand nous sommes arrivés, j'ai d'abord vu le Seigneur Murunga. Il appelle le Seigneur Murunga. Je ne connais même pas son nom. J'ai vu le premier rang. J'ai vu les gens. J'ai regardé les murs, les trucs en or. Je regarde la première maison en or. J'ai demandé que je dis, c'est quoi ça? Il me dit que that is gold. Je dis pur. Il me dit oui. Je regarde les choses qui brillent, les lumières en or. Ils ont fait leur paradis là-bas. Quoi? Comme j'ai jamais vu tu étais sur le sommet de l'île. Je n'ai jamais vu, frère, je n'ai jamais vu l'or comme ça de ma vie. On disait souvent qu'on construisait une maison en or. C'est vrai. Les Indiens ont les maisons en or. L'or, gardez. Je lui dis que ça, c'est quoi? Il me dit que non, mais là, c'est juste un bureau, ça, c'est rien. Il dit, je vais t'amener au sommet, tu vas voir notre Dieu. Tu vas voir alors le Dieu de Dieu où tous les hindous du monde doivent venir ici le vénérer. Tous les hindous du monde. Et il m'a dit, l'argent qui maintient, ça vient de tous les hindous, que tu sois où tu dois envoyer l'argent, là, si tu vas avoir la bénédiction. Dans ces Indiens-là qui pulluent dans le marché africain, les grands marchés africains, oui. Puisent leurs richesses là-bas. Là-bas. Oui, c'est là-bas que j'ai compris que les Indiens ne font rien sans pratiquer. Mm-hmm. Rien. Chez eux, ils ne font rien. Ils ne font... Les boutiques que tu vois, ils vont, ça vient de là-bas. Mm. Ils sont pratiquants. Mm. Alors, on dépasse, on était avec des policiers qui nous amenaient. D'abord, on poussait. Et puis, nous, comme il appartient à une famille riche, on nous faisait entrer. Et puis, les gens me regardaient bizarrement que la noix, là, elle ne ressemble pas à une Indienne. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais comme j'étais entourée, ne pouvait rien faire. Mmh. Nous, on a passé le premier groupe. La première partie, nous sommes allés à la deuxième partie, les boutiques où ils vendaient les statues là. Toujours des statues, les photos, tout ça. Il me dit, le Dieu que je vais te montrer et ça. Mmh. Je regardais comme ça. C'était quoi? Je vois une espèce de statue en diamant. Mmh. Je regarde, je lui dis que c'est ça que tu dis que je veux voir. Il me dit oui. Il dit, c'est ça que vous vénérez là-bas. Il me dit oui. Il me dit, that is the big god. C'est le grand Big Dieu. One, oui, c'est le grand que tous lui, les lui, il avait quelle morphologie en tant que quelle ressemblance? Mais c'est un objet. Mm. Est-ce que c'était quelque chose qui bougeait? C'est un objet. Mm. C'est un objet en or, en diamant, or et diamant. Mm. Très bien. Il était peut-être géant comme ça. Mm. Très bien décoré. Il n'a pas des yeux. C'est un objet. À peu près comme tu poses une bouteille. Moi, je croyais que j'allais voir. Ça n'a pas de forme. Mm-hmm. C'est juste quelque chose, une espèce de statue qu'ils ont fait. Et puis, ils adorent ça. Mm-hmm. Ça n'a rien. Ça a juste l'or et le diamant. C'est tout. Mm-hmm. C'est ça qui venait. Il me dit que c'est ça. Je vois les photos de ça partout. Je vois les gens acheter ces photos. Je vois les gens mettre les photos de ça partout. Moi, je croyais que j'allais voir quelque chose qui vivait là-bas. Non. Mm-hmm. On passe la deuxième barrière avec la police, avec tous les gens. Je vois encore une autre maison en or. Je regarde le sol. Le sol brille. Je ne sais pas si c'est le map, ça je peux pas te dire, moi je n'ai pas reconnu le matériel. Sol. Oui, au sol. Mm-hmm. Parce que à partir de là, tout est fait à la main, ce n'est plus naturel. Mm-hmm. Soit c'est l'or, c'est un travailler. Oui, travailler, c'est un matériel, un métal très cher. Mm-hmm. Alors on passe la deuxième barrière, on passe à la police. On demande, c'est qui ça? Mm-hmm. Il parle à leur patron, il dit que c'est notre soeur. Il me regarde comme ça. Il dit que oui, elle est habillée comme il faut. Parce que tu ne peux pas aller dans ce temple-là si je n'ai pas habillé. Oui, il dit oui, elle est habillée comme ça. Après, il dit que mais elle oublié de mettre si c'est la fleur ou bien sûr parce qu'ils ont souvent des couronnes qu'ils mettent là. Mmh. Alors la femme, sa soeur a prié, elle a mis sur. Je lui ai dit ok, maintenant vous pouvez passer. Mmh. Ils sont passés. On a traversé peut-être 12 barrières pour arriver là. Maintenant il dit que voici alors où notre Dieu habite. Je regarde la maison, là, le temple là de loin. L'or. Le temple là, était péché seul. Oui, était péché seul. En or, mm-hmm. De la toiture jusqu'en bas. Mm. En or, le sol. Avant d'arriver là-bas, quand tu regardes, parce que tu as dit qu'il faut 3 jours pour arriver là-bas. Oui. Cette quantité de la sol pour qu'on puisse aller jusqu'à cette extrémité pour construire cette immense maison. Pour moi, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Pour moi, c'est parce que je n'ai jamais vu l'eau concentrée. Il dit que toutes ces zones, et c'est extrêmement gardé à cause de la richesse. Mm-hmm. C'est extrêmement. Tu ne peux pas t'aventurer là si tu n'es pas hindou. Ils ne prennent pas les autres personnes. Et est-ce qu'ils enseignent que les gens entrent avec les caméras? Non, c'est interdit. On m'a dit la première chose, on m'a fouillé. Mm-hmm. On ne filme pas. C'est interdit. Pas de photos, pas de rien, pas de caméra. On fouille. Mmh. La police est stricte. Mmh. Strict. Je suis entrée comme ça, je n'avais même pas droit. Les femmes, on n'a pas toujours pas droit à avoir un sac à main ou quoi, rien. On ne filme pas. C'est extrêmement interdit. Mmh. Parce que la richesse, je n'ai jamais. Tout était en or, le temple de cette histoire-là. Mmh. Tout était en or. Ça, c'était le grand temple où il était là. À côté du temple, là, de l'autre côté, c'est là-bas qu'on fait les cheveux. Mmh. Et de ce côté ici, c'est ici que les gens, les hindous du monde envoient l'argent. J'ai jamais vu une maison pleine d'argent. J'ai vu. Attends. Ça veut dire que les retombées des différents business des Indiens dans le monde entier, ça vient de là-bas. On envoie là-bas. Oui, comme une banque. Oui, et c'est en espèces. En espèces. La chambre là est en vitre. Oui. Tu vois l'argent atteindre l'eau. Je n'ai jamais vu l'argent quitter du plafond. Ça veut dire qu'il doit avoir l'argent de toutes les espèces là-bas. Tu parles de quoi? Tu n'as jamais vu l'argent là-bas. La banque ne voit pas le chaos. Oui. Ce n'est pas une petite salaire. C'est comme toute ta maison-ci. Oui. En vitre, oui. L'argent à l'est. Et puis, tout l'argent qui vient, ils jettent. Tu les vois, il y a des gens qui sont là, qui ont, c'est comme des fenêtres, ils jettent. Oui. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont assis comme ça, qui comptent. Oui. Qui comptent. Ils sont assis avec les pieds croisés. Oui, croisés comme ça. Ils passent le temps à compter. Ils comptent. Ils comptent là-bas. Ils comptent, ils font des ballots. Ils comptent, ils comptent. Pendant ce temps, les autres qui reçoivent, ils jettent à la fenêtre. Oui. Les autres qui sont là-bas, sont à côté des portes, ils comptent. Ils disent, c'est transparent. Tu vois, ce n'est pas qu'on cache. Oui. Tu vois, l'argent quitte. Du sol jusqu'à la toiture. Oui. L'argent en espèces. Ça sert à quoi là-bas, à stocker là-bas? Je ne sais pas. Ils m'ont dit que c'est l'argent que les hindous envoient pour le temple. pour le temple. Bon, l'argent, le temple est déjà fait en or. Oui. Le temple, l'argent vient, il reste dans un annexe de, dans une maison annexée au temple. Oui. Mais cet argent sert à quoi? Ils ont dit que c'est pour faire, c'est pour maintenir le temple, tout ce coin-là, ce quartier-là. Oui. Il faut de l'argent. L'argent vient de là. Et puis ils ont dit que l'argent sert à beaucoup de ça. Sert à aider les ceux qui sont pauvres, parce qu'ils aident aussi les, ils font aussi des œuvres sociales. Ça aide les. N'est-ce pas un paradoxe avec la loi de Karma? C'est exactement. Exactement. Mmh. Les pauvres, il me dit, les pauvres qui sont là-bas, ça les aide. Mmh. Et puis, ils aident aussi beaucoup le gouvernement. En réalité, n'est-ce pas une certaine façon, parce qu'il y a des gens qui font la magie blanche, et autres, d'autres qui font la préhésitation, d'autres qui ont le bac pour pouvoir appeler l'argent de l'Inde. Et l'argent apparaît. N'est-ce peut-être, pas que l'argent là, peut-être. Prendre, maintenant, tu me dis, est-ce que je savais? Est-ce que moi, je pensais aux histoires-là? Mmh. Moi, j'étais seulement épaté. Mmh. Je suis resté comme ça. Mmh. Je vois l'argent. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai regardé ça. Transparent. Mmh. J'ai regardé. Il y avait peut-être 10 personnes qui comptaient. Mmh. Je voulais voir les histoires seulement là. Il prend les glacés qu'il pose. Toute la journée, toute la journée, tu vois les ballots. Et ce qui est impressionnant, c'est que plus ils comptent, plus l'argent entre. Mmh. Tu vois les autres qui reçoivent l'argent, ils ouvrent les sacs, ils jettent. Ils ouvrent les sacs, ils jettent. Ils ouvrent les sacs, ils jettent. Oh, mais attends, au fur et à mesure, comment l'argent fait pour arriver là-bas? Il paraît qu'ils m'ont dit que c'est l'argent que les hindous. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, mais comment on le fait arriver là-bas? Mais disons que si tu envoies par exemple l'argent par RIA ou bien par Western Union, quelqu'un va prendre, il vient, il dépose. Il met dans les sacs et puis quand c'est plein, il vient, il jette. Oui. Tous les jours. Tous les jours, des gars, il y a des gars qui sont seulement là pour jeter l'argent dedans. Oui. Et tu dis que. L'euro, c'est de transmettre de l'argent. Oh, frère, il faut voir ça avec les yeux. Tu entends. Et quand ces garçons-là qui t'apprennent, cet homme qui te servait d'orientation. Mon ami, là, oui. Quand il t'a montré cet argent, qu'est-ce qu'il en a dit? Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, cet argent-là, ça vient de tous les hindous du monde. Il dit, quand tu es hindou, où que tu sois, tu dois envoyer l'argent au temple si tu veux la bénédiction. Oui. Il a dit, si tu n'envoies pas, on t'exclut. Oui. C'est ici que cet argent là va. C'est comme ça de génération en génération. Oui, c'est de génération en génération. Oui. Il m'a dit que cet argent sert à beaucoup de choses. Oui. Et à côté de la salle d'argent, là, il y avait la cuisine où préparer la nourriture. Oui. Et il y avait des gens qui préparaient. La nourriture était gratuite. Donc quand tu arrives à ce moment, si tu as faim, tu vas manger gratuitement. Il y avait la nourriture, il y avait l'eau, il y avait les maîtres. Donc constamment, il y a des gens là-bas qui se mettent. Mais ça ne ferme pas, c'est 24 heures. Ça veut dire que ce qui se passe en ville en bas. Non, mais les gens changent beaucoup. 24 heures. C'est toute une vie là-bas dans une ville. C'est tout une ville dans une ville. C'est-à-dire, le fonctionnement là-bas n'a rien à voir avec la ville. Ils connaissent ni le jour ni la nuit. Si tu vois les mamies dans lesquelles ils préparent les grands fûts comme ça, ils préparent et tu vois les gens viennent, les gens mangent. Ils servent dans les plats comme ça. Tu manges autant que tu veux et à boire. Et les gens qui servent dans le sud sont habillés en blanc. Ils ont des habits comme ça. Ils sont habillés en blanc. Et puis après, à côté, je crois qu'il y a des. C'est un endroit pour dormir, ceux qui sont fatigués. Ils viennent, ils dorment là, tout ça, c'est gratuit. Quand tu atteins un certain niveau, tout devient gratuit. Gratuit. Oui, et puis moi, j'ai compris que c'est à ce moment-là qu'ils utilisent l'argent, une partie de l'argent, pour entretenir tout ça. Et les lumières brillent. Non seulement les lumières brillent, mais le sol, comme c'est fait en or, tout est fait en ça or. Réfléchi. Ça reflète ça. Et le diamant, tu n'as jamais vu le diamant dans ta vie. Tout brille là-bas. Le diamant, grande quantité pour pouvoir et les lumières, là, les chandelles, c'est le diamant. Est-ce que j'avais déjà vu le diamant de ma vie? J'ai regardé comme ça, dit que. Et les sources de lumière sortent pour briller comme ça. Je sais, tu me demandes. Moi, les choses m'ont dépassé là-bas. Je sais. Moi, j'étais épatée. Tu as confirmé qu'il avait le grand Dieu? Non, mais. Non, pas qu'ils avaient le grand Dieu. J'ai compris que les hindous sont trop sorciers. Je leur ai dit que oui, votre sorcellerie dépasse les Africains. Tu avais raison de dire ça. Parce que c'est que je vois. Je dis, nous en Afrique, on n'est pas à ce niveau-là. Vous êtes vraiment fort. Vous êtes vraiment. Et pendant ce temps, tu as peut-être plus de 300 servants. Je ne sais pas les servants, les disciples qui sont là, qui passent le temps à prier, à chanter. Les mantras. Oui. Tu as répété seulement les mantras. Oui. Les mantras. Ils sont assis comme ça. Alignés. C'est tout ce qu'ils font. Ils répètent le même mantra. Pour charger l'univers. C'est tout ce qu'ils font. En tout temps, les chrétiens, pendant qu'on dit qu'ils ont 40 jours, je dis que c'est quoi ça? C'est tout, ils sont assis comme ça, c'est tout ce qu'ils font. Et après, les chrétiens vont le quitter, maintenant qu'ils vont amener pour prêcher l'évangile. C'est tout ce qu'ils font. Là, nous sommes arrivés, on a continué à côté. Maintenant, quand nous sommes arrivés à côté du temple, là, il me dit, c'est ici que le grand Dieu, notre grand Dieu est. Moi, je croyais peut-être que j'allais voir quelque chose, un ange, quelque chose de vivant, quelque chose de glorieux. Quand j'arrive, il me dit, viens, on pousse, la police pousse un peu là, et puis on nous fait, parce qu'on faisait entrer par groupe, on nous fait entrer. Je vois un maître gourou qui est assis là, il fait comme ça, il met l'encens, il prie sur le. Je vois la statue qui est là en diamant, pur. Oui. Diamant, c'est à peu près comme ça. Un mètre. Le diamant, pas l'or. Le sol sur lequel c'était en or. Je regarde ça, je lui dis que c'est qui. Il me dit que c'est lui. Non, c'est le shrine, Dieu. Ce qu'on appelle en anglais le shrine. Oui. Le shrine. Donc, je regarde ça, je dis qu'est-ce que le type l'a fait. Il me dit que c'est pas le type là, c'est le grand maître. Le monsieur qui a fait l'ensemble. Oui, oui, il dit que c'est le grand maître qui est en train de servir. Servir ce goodness là. Mm. Je regarde comme ça. Je regarde, je fais tout. Je crois que je vais voir quelque chose qui vit. Mm. Je vois quelque chose d'immobile, un objet. Oui. Je reste comme ça. Il me dit, kneel down, mets-toi à genoux. Je regarde comme ça, je le vois lui-même comme ça en train de réciter les choses. Je reste comme ça. Il me dit, kneel down. Il me dit, you are the only one. Tu es la seule qui ne kneel pas down. Ah, mets-toi à genoux. Oui. Je vois le monde. Tout le monde à genoux. À genoux comme ça. Les autres se sont même couchés comme ça. Je reste comme ça, je me suis mise à genoux. Il me dit, kneel down. Order the police is going to come and get you. Je regarde comme ça. Je regarde et je vois tout le monde à genoux. Et commencer à réciter les histoires. Donc quand tu arrives à ce niveau, oui, tu récites la même chose que les moines ou les moines, les coulards à réciter. Mm-hmm. Pendant ce temps, le grand prêtre a l'encens. Mm-hmm. Il amène les prières. Oui. L'encens, c'est le symbole des prières, des parfums qu'on donne devant l'autel. Ah. Donc ça dit c'est la prière, ça dit cette personne si joue le rôle de celui qui transmet la prière de tout le monde entier, ceux qui prient cette divinité donc, c'est ça. Pour les envoyer là-dedans. Donc c'est ça. Oui. Donc je regarde, après je me suis quand même courbé. J'entends comment les autres prient. Là tu t'agenouilles devant qui ma soeur? Devant les choses, la chose là non. Donc mais tu vas quand même comprendre non? Après que j'ai compris que c'était grave, je n'aurais pas dû. Je me suis agenouillée parce que je ne voulais pas me coucher. Quand je regarde, tout le monde était couché, même lui était couché. Parce qu'il commence par s'agenouiller, après il s'éteint, il s'allonge comme ça. Je sais pas, tout le à cette divinité. Je ne sais pas, comme tu dis, ils se mettent comme ça. Pendant peut-être 30 minutes. Allongé de long de leur corps. Oui, oui. Mais comme moi, je ne connaissais pas, je me suis juste mise à genoux. Et puis je lève la tête, je regarde. Quelles sont les pensées qui te traversaient à ce moment-là? C'était que, est-ce que c'est un objet? Qu'est-ce qui... Je croyais que c'était quelque chose de vivant. Mais peut-être que tu vois physiquement que c'est un être, que c'est un objet, mais que les gens ne peuvent pas se positionner comme ça sans que ça ne soit des êtres. C'est ça qui est. Je regarde l'objet. Je vois seulement qu'il y a le diamant. Je te dis, vrai, le diamant pur. Colonne de diamant. Le diamant, il n'y avait pas de mélange. Le diamant. Brillait de diamant pur et aux environs c'était l'or. Le mur qui était, le poteau qui était là c'était l'or. Tout le reste était en or. Tout le reste des chandeliers était en diamant. Tout le l'or, il y avait deux matières, l'or et le diamant. Oui. C'est tout ce que j'ai vu. Les gens priaient. J'étais là, je regardais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a comme ici? Qu'est-ce qu'on prie? C'était, j'étais plus curieux de savoir s'il y a quelque chose qui vit dedans. Pour moi, c'était juste un objet. Mais seulement, quand je voyais toutes les cérémonies, je voyais le prêtre qui se levait, qui faisait des rituels. Oui. Et pendant quand il se lève, les autres chantent, les autres crient, les autres, ils prient. Tu vois les voix qui se lèvent, tu vois les autres qui... L'enthousiasme. Oui. L'émotion. Les gens qui prient. J'étais la seule qui ne réagissait pas parce que moi, je n'étais pas habituée à ça. Je ne savais pas ce que c'était. On a passé peut-être une heure là. Après, il m'a dit, c'est le temps de partir. On s'est levé. Il me dit, enlève alors, parce qu'on avait couvert comme ça. Il me dit, enlève alors, je touche, j'ai enlevé. Il me dit, remercie le Dieu là. Je dis, je veux remercier comment? Il me dit, just say thank you for giving me the life and this and that and this and that. Donc, c'est Dieu là qui leur a donné la vie. Non, il dit que tu peux pas, je ne peux pas partir là-bas sans dire merci au Dieu de m'avoir donné la vie, la santé, blablabla. Il dit, you have to say thank you to him. That is the way it is. Je reste comme ça. Il me dit, you have to say thank you, other way, somebody is going to be after you. Sinon, quelqu'un va venir après toi parce qu'ici, on subit trop. Il me dit, les gourous que tu vois là savent. Si tu ne dis pas, ils vont venir. Je dis, ok. Il dit, what is his name? Il m'a donné le nom. Non. J'ai aussi seulement répété comme ça. Il me dit, écoute. Il me dit que non, tu vas voir comment. Il me dit, après ça, je vais aller donner mes cheveux. Je vais donner les cheveux le lendemain. Là, sur ses cheveux à lui. Oui, ses cheveux à lui. Il a laissé pousser depuis. Oui, il avait encore ses longs cheveux. Il me dit, après avoir vu ici, je vais aller maintenant faire le sacrifice des cheveux. Après ça, je vais aller en Europe faire le business. C'est là que mon pouvoir, ma richesse va bénir. Je vais faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Là, il parle comme ça, il est déjà riche. Il est déjà riche, mais il va augmenter. Il cherche l'argent pour faire quoi au juste? Est-ce que je sais? Les Indiens ne sont jamais rassasiés. Ils aiment avoir l'argent à l'opulence. Quand on parle même du matérialisme, il n'y a rien en Afrique. Je n'ai jamais vu des gens qui ont le luxe à l'excès. À l'excès, les Indiens, le luxe, c'est quelque chose. On peut voir les aspects dans les films hindous. Oui, mais ça, c'est vrai, il faut aller dans leur maison. Ils ont les richesses. Quand tu vas dans leur salon, mais le cuir, c'est rien. Je ne sais pas quel matériel ils utilisent. Les salons brillent comme les salles de cinéma. leur maison. C'est comme ça que leur maison, c'est extrêmement décoré. Et tout brille du sol jusqu'au plafond. Ça brille. Et les femmes, même la façon, celles qui viennent de la classe aisée, la façon dont elles s'habillent, je ne sais pas ce qu'elles mettent. Le design de la barrette des cheveux, c'est le même que les habits, ça m'arrive jusqu'aux chaussures. Et comme ça, chaque fois. Elles se changent toutes les heures, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles me disent que c'est ça qui fait notre force. Quand tu viens d'une famille riche, tu dois montrer que tu es riche. Oui, que tu es riche. Donc tu dois te changer. Elles ne mettent pas les mêmes habits. Donc comme elles portent, c'est une seule fois. Oui, c'est une seule fois. Peut-être qu'elles portent peut-être 3 mois ou 4 mois après, mais elles doivent se changer chaque heure, tous les jours. Donc la femme indienne ne travaille pas. Elle dit qu'elle doit être belle. Parce qu'ils ont des familles qui se visitent, il faut qu'elle soit présentable aux visiteurs. Donc son travail, c'est de rester à la maison et se faire traiter belle. Sa beauté. C'est tout. C'est tout. Chaque heure, elle se change. Voilà, chaque on revient heure. À notre visiteur. Après, dans le temple de Seigneur Muruga. Oui, nous sommes partis. Après, quand on a fait la fête, on m'a troublé. Je sais que, mais Seigneur, est-ce que c'est quoi qui est dedans? Je ne comprenais pas. Ça nous a pris peut-être 3 heures pour sortir de là. Nous sommes sortis de là. Quand je suis arrivé, il me dit que non, tu as vu notre Dieu. Il me dit que that God, that is the biggest one. C'est le plus grand et le powerful one. Il me dit que chaque hindou doit aller voir ce Dieu et chaque hindou doit de l'argent. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, quand tu travailles, oui, tu dois envoyer l'argent à ce Dieu. Il dit que c'est ce Dieu-là qui nous donne la vie, il nous fait tout, c'est notre grand Dieu. Et par conséquent, on devait donner en échange l'argent. L'argent. Il me dit, bon, maintenant, pour le bus, il dit ça, c'est le grand Dieu, je voulais te le montrer. Il dit, moi, je viens ici tout le temps. Moi, c'est mon. Je vais dire, c'est ici que je suis, c'est ma religion. Je voulais juste te montrer, c'est ça qu'on est venu aujourd'hui. Mais en fait, je ne voulais pas venir aujourd'hui. Mais dans 2 jours, je vais aller me faire couper les cheveux, il va aller sacrifier. Ça, c'est un autre Dieu. Le Dieu de ce que je veux faire, bien, il m'a dit, Dieu du bus, je ne sais pas quel bus, bien quoi. C'est à lui que je vais aller donner mes cheveux. Je vais donner mes cheveux en échange avec l'argent qui va me donner la prospérité. Et pour faire ça, il va faire des rituels. Et la personne qui va prendre mes cheveux là, l'esprit là va travailler avec lui. C'est-à-dire, explique-nous ça bien. Là, on commence à toucher maintenant ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, d'après ce qu'il a dit, quand il aura sacrifié ses longs cheveux à sa divinité pour faire son business, ces longs cheveux là, entrant dans le temple à cette divinité là, des esprits y seront attachés. Oui. Et maintenant, la personne qui va acheter ces cheveux là dans le monde entier, parce que par la suite, les cheveux seront traités dans le monde entier. Oui. Quand nous sommes partis là, les cheveux là, ils mettent ça dans les gros ballons. Parce que quand le maître hindou coupe, quand tu arrives, ils font les rituels, moi je n'ai pas vu les rituels, c'est des longues cérémonies qu'ils font. Maintenant, quand tu es prêt à être coupé, le maître hindou est assis comme ça avec les pieds sous le corps, avec le couteau. Oui, sous la forme de fossile. Oui, maintenant quand tu as fini les rituels, on t'amène, tu te mets à genoux et puis tu dis, c'est pas une prière ou bien quoi, et puis tu t'assois, il se lève, il commence, il prend ça, il commence comme ça. Il coupe du devant jusqu'à derrière. Il ne coupe pas n'importe comment. Il coupe comme ça. Il prend toute joie sans s'arrêter. Oui. Il coupe comme ça une fois. De l'extérieur, depuis le front jusqu'à derrière. Oui. Et puis il y a comme une cuvette où il met ça. Oui. Il coupe tout. Il coupe. Il continue. Il met. Il continue. Il met. Pendant ce temps que tu es les yeux fermés, tu récites. Il y a des mantras qui font. Oui. Tu es comme ça. Tu récites. Je ne sais pas quoi. Tu récites. Il coupe. Il coupe. Il coupe. Il coupe. Quand il finit maintenant de couper, tu vas te laver dans leur eau sainte. C'est ce qu'ils appellent purification. Oui. Tu vas là-bas. Donc, il te donne. Et puis, avant d'aller te laver, il te met quelque chose de jaune sur le corps. Oui. Jaune. Une pâte. Oui. On te met une pâte sur les cheveux. On te met où ils disent purification. Je ne sais pas. Il te met ça après maintenant. Un autre maître vient te prendre pour aller te purifier, tout ça. Et maintenant, ce cheveu-là, quand il recueille, il y a un gros ballon comme un sac où ils mettent ça dedans. OK. Quand ils mettent ça dedans, maintenant, ils attachent. Il y a d'autres Indiens qui viennent acheter ces cheveux-là dans le temple. Oui. Parce que ces cheveux sont déjà possédés. Tout est fait. C'est déjà consacré. Maintenant, les propriétaires des usines des cheveux viennent acheter. Les hindous encore. Toujours les hindous. Oui, ils viennent acheter. Maintenant, quand ils apportent là-bas, ils lavent. Oui. Lavent le shampoing. Oui. Et puis, ils ont des gens qui trient. Oui. Qui font ça en chignon, en petit paquet. Oui. Oui. Maintenant, quand tout est fait, ils mettent ça par longueur. Plus long, plus la divinité aime, plus ça a le pouvoir. Donc, les cheveux hindous longs sont très importants. C'est pour ça que les Indiens ne se coupent pas les cheveux. Oui. Les divinités aiment les longs cheveux. Ou bien parce qu'ils s'enroulent là, bien, je ne sais pas, je n'ai pas demandé pourquoi. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit là-bas, que plus c'est long, mieux c'est. C'est ça que mon ami a gardé les longs cheveux. Oui. Ils n'aiment pas les cheveux courts. Oui. Quand c'est court, ils prennent mes. Là, c'est un garçon. C'est un homme. Oui, il a laissé ça jusqu'en bas comme pour le chignon. Jusqu'en bas, oui. Mm-hmm. Parce qu'ils tournent, ils font les chignons. Oui. Donc il avait les longs cheveux, c'était long. Oui. Oui. Alors maintenant, après ce rituel-là, les autres Indiens veulent le couper. Je vais faire une apostrophe pour parler de quelque chose. Mm. Est-ce que c'est possible que ces cheveux-là qui ont été livrés aux divinités indiennes, mm-hmm. est-ce que c'est possible de voir un Indien lui-même attaché ses cheveux? Non, ils ne touchent même pas. Ils ne touchent même pas. Ils ont peur. Il dit, les femmes là, je veux dire, quand je suis allée dans ces familles là, ces femmes là, elles ne touchent pas aux cheveux faux, elles ne mettent pas les faux cheveux. Ils ne mettent pas les faux cheveux. Ils disaient même, c'était même bien que je n'avais pas les faux cheveux. C'était pour, ils m'ont regardé comme ça, ils disent que vous les Africaines là, ça c'est à vous, c'est vous qui prenez nos cheveux ici. Toi tu n'as pas. J'ai dit non, je viens d'enlever. Oui. Heureusement que je n'avais pas de mains, ils ne touchent pas. Oui. Ils ne touchent pas. Non, les Indiens, même les hommes, ils touchent pour eux. Ils savent. Oui. Si les cheveux possédés, ils touchent. Donc ils savent que ça, en fait, c'est la malédiction. Donc, ils savent. Donc toute la poisse, les malédictions qu'ils ont sur eux, c'est déchargé là-bas. Exactement. Mmh. Ils ne touchent pas. Ils ne touchent pas aux faux cheveux. Ils ne touchent pas. Ça, c'est un fait, ils ne touchent pas. Mmh. Et puis maintenant, quand les propriétaires des cheveux-là viennent, ils vont faire trier, ils font laver. Mmh. Maintenant, les grandes compagnies des cheveux-là dans le monde, les Blancs-là, oui. les Allemands-là, ils viennent maintenant acheter ça chez les propriétaires des usines indiennes-là. Oui. Ils viennent acheter soit la longueur et tout ça. Mais ces cheveux sont déjà spirituellement possédés. Oui. Ils viennent acheter, puis ils amènent dans les usines de transformation. Ce ne sont pas les Indiens qui teignent. Eux, oui. ils vendent seulement aux gens-là. Oui. Maintenant, ils vont transformer ça définitivement pour mettre sur le marché indien. Oui. Ouais. D'où, c'est pour ça que c'est prisé. Oui. C'est naturel. Oui. Alors je pose la question, quand celui-là coupe les cheveux, il t'explique que lorsque ça sera consacré, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'esprit qui va s'attacher? Il a dit que l'esprit là va posséder la personne qui va porter ça. Et quel est le rôle de cet esprit là? C'est de détruire. Détruire. Il dit que oui, faire le mal, oui. Et quand ça il dit fait que le la mal personne ne sera jamais en santé, ne sera jamais bien. Et quand ça en retour, eux, ils prospèrent. Oui. Ça va posséder, va prendre l'esprit là, il m'a dit, bien l'esprit là va travailler pour l'argent. Je ne sais pas, il m'a raconté les histoires, il m'a dit que ce n'est pas bien. Toi, en ce moment-là, tu portes des faux cheveux. Tu es issu, quoi, tu es du Cameroun, tu portes des faux cheveux, les chrétiens portent des faux cheveux, les femmes de pasteur portent des faux cheveux. Donc, les faux cheveux, c'est même la mode de ce côté-ci. Mm-hmm. Et subitement, tu comprends en entendant ces choses-là, tu es en live dans le temple où on fait ces choses-là et tu connais les conséquences. Quand tu rentres, qu'est-ce que c'est? J'ai jeté tout ça. C'est le premier réflexe. J'ai jeté toutes les perruques là à la poubelle. Je suis parti au travail, j'ai dit à mes amis congolais que ce que je viens de voir, jeter ça. J'ai expliqué, ils ne m'ont pas cru. J'ai dit que c'est la mort. Est-ce qu'ils ont accepté? Elles n'ont pas accepté. J'ai dit c'est la mort. J'ai dit c'est la mort. J'ai vu moi-même, c'est vrai. Que disent des femmes du pasteur qui disent qu'ils peuvent sanctifier cela et porter? C'est faux. Tu ne peux pas. Les Indiens m'ont dit. Ils m'ont dit que quand on fait ça, there's no way. There's no way. Tu ne peux pas échapper. Il me dit que because your spirit has to possess somebody, that's why you are. Parce que cet esprit à qui il était consacré doit posséder quelqu'un. Doit posséder quelqu'un. Ils ont pour mission de détruire, faire du mal. Il me dit que sinon, si ce n'est pas ça, parce que c'est les champs, lui donne le chemin, lui donne la richesse. Donc quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit travailler. Oui, et c'est la personne qui est possédée qui travaille. Il dit, there's no way. Alors, quelqu'un va peut-être faire les efforts, ne pas commencer l'énergie. Peut-être son âme est en train de travailler quelque part. Il dit, ça peut être la maladie quand tu es là. Il me dit qu'il y a toujours une conséquence négative. Oui. Il dit ça. C'est qu'on ne fait pas ce rituel pour rien. Alors, n'est-ce pas, ça veut dire que de façon inconsciente ou bien consciente, ils font du mal au monde? Oui, mais bien sûr. Ils savent que. Il m'a dit que nous, on a les dieux qui sont les plus dangereux du monde. Vous dites que vous les avez, que vous faites la société, vous ne faites rien. Nous, on a les dieux. Il me dit que le dieu qu'on appelle Shiva, si tu veux, j'appelle Shiva ici, mais quand il va venir, il va te tuer. Il m'a dit ça, il me dit que quand moi je suis en guerre, Shiva vient. Voilà. Il me dit, j'ai un bouc Shiva, quand il vient ici, c'est pour détruire. Il m'a montré, c'est celui qui a l'épée là. L'épée. Oui, il me dit, quand il vient, lui là, sa fonction, c'est de détruire. Il vient détruire, lui ne s'amuse pas. Il refuse d'appeler ça démon, ils appellent ça Dieu. Ils appellent ça good. En anglais, quand tu dis Dieu en français, on peut dire petit Dieu avec des. Mais en anglais, ça c'est oui, bontés. Goodness, oui. Ceux qui font du bien. Oui. Les esprits du bien. Oui. Il me dit que Shiva là c'est le plus dangereux. Et il me dit que les cheveux là, il me dit tu as la chance que tu ne portes pas. Mais si tu portes, tu as vu. J'ai dit oui. J'ai dit à mon gars, tu trouves une gabe. J'ai dit plus jamais. Il dit plus jamais. Toi, mais tu as. Donc c'est lui-même qui te dit comme il ça. Il m'a dit ça. Il me dit c'est pas bien. Il y a des gens qui ne mangent pas la viande. Je lui ai demandé pourquoi vous ne mangez pas la viande. Il regarde comme ça. Il dit vraiment vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas. J'ai dit non. Il dit non, mange la viande normalement. Il dit 99% de viande que vous mangez, c'est pas la viande. C'est pour ça que nous, les Indiens, on ne mange pas la viande. Il dit c'est la chair humaine que vous mangez. Comment est-ce qu'il explique ça? Comment? Comment ils font les transformations? Il me dit dans leur rituel, là, dans leur temple, là, ils changent. Donc, quand un boucher va prendre la viande au marché, le bœuf, il met la pour vendre, les esprits viennent, ils changent. Ils disent que c'est une façon de posséder les gens. Ils disent là que nous, ils ne mangent pas la viande, de génération en génération. Ils disent que nous, on ne met pas la viande dans nos bouilles parce qu'on sait que ce n'est pas la viande. Ils savent que ça a été changé. Oui, ils disent que c'est les maladies que vous mangez. Nous allons revenir sur ça lorsque nous allons parler dans Sibambaïba avec le cadre de l'alimentation, avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Mm-hmm. Restons avec ton ami. Quand il rentre maintenant au Canada, il a dit que sa mission était de venir donner ses cheveux pour aller à quoi? Pour devenir Europe, riche. En Europe. Qu'en mm-hmm. est-il maintenant depuis ce moment? Ah, mais il est super riche. Donc son c'est Dieu, trop vrai. Son Dieu jamais. Oh non, multiplié. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, c'est, il avait raison quand il m'avait dit que chez nous, c'est du Tikota. Nos dieux ne dorment pas. Votre Dieu que vous priez qui est au ciel là, il dort. Oui. Mais quand il a allé, c'est du Tikota. C'est du Tikota. Ça ne tâte pas. C'est du Tikota. Oui. Il dit que vous priez un Dieu qui dort. Vous priez, votre Dieu dort. Vous priez quoi? Non, mais ça ne t'a pas tenté de donner aussi tes cheveux un peu pour avoir la richesse. Oui. La carte que j'ai vue là, ça fait peur au contraire. Moi, bon, ça m'a fait peur. Avec la... Est-ce que tu as vu là, ici, c'est le couteau là. C'est un couteau qui est comme dans les films là. Oui, c'est là, ça qu'ils utilisent. Comme les oui. Bombies, tu peux... Et puis, tu mets ça là, tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais, quand tu n'es pas habitué à quelque chose, tu trouves ça bizarre. Moi, je trouvais ça trop bizarre pour être courageuse. J'ai trouvé ça trop bizarre, frère. Ça ne m'est même pas venu en idée. C'était plus la curiosité que rien d'autre. Quand j'ai vu comment ils coupent ça. Je voyais, ils étaient allés. Dans le salon, ils seront peut-être 20. Et puis, tu as les autres Indiens qui continuent, les Indiens qui vont. C'est-à-dire, ils offrent les cheveux au jour le jour. Au jour le jour. Quand vous attendez que les Indiens sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Oui. C'est au jour le jour en fonction des besoins. Oui. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est au jour le jour qu'ils offrent les cheveux. Oui. Toi, est-ce qu'ils allaient même acheter? Moi, j'ai les cheveux crépus. Mm-hmm. Et ils m'ont dit que les cheveux indiens sont les plus demandés du monde parce que la race indienne, elle fait ça à l'image de Dieu. Mm-hmm. C'est le seul cheveu qui s'adapte à tous les cheveux. Mm-hmm. C'est ça qu'ils ont dit. Ça veut passer dans tous les cheveux crépus. Oui, comme, oui. C'est eux. Ils ont dit, là, nous sommes faits à l'image de Dieu. Mm-hmm. Donc, on sait que nos cheveux peuvent aller à tout le monde. Et les Européens adorent nos cheveux. Mm-hmm. Vous aussi, les Africains, vous adorez. Donc, ça passe. Maintenant, je pose la question à toi, en tant que femme, moi je suis une femme, qu'est-ce que vous cherchez derrière ces cheveux-là? La beauté, non. Quand je la suis beauté. Non, mettez ça sur la tête, non. Est-ce que je sais? Quand j'étais petit, on me mettait les mèches sur la tête. C'est quand tu nais pourquoi, dans une pourquoi, famille. Pourquoi une maman va avoir une fille de 2 ans, commencer à mettre les mèches, mettre ces choses sur la tête? Pourquoi? Alors, parce que c'est une. On est, tu ne peux pas expliquer. Quand ta mère te met ça sur la tête, tu demandes à maman pourquoi. Elle va te dire que c'est comme ça. Parce qu'elle a grandi dans ça. Personne ne sait pourquoi. Donc, c'est un des esprits qui fait te poser que les gens ne font que te perpétuer. Oui, oui. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une possession que rien d'autre. Parce qu'on a des cheveux. On a des cheveux. On peut. Très peu de Camerounaises actuellement ont des cheveux naturels. Ma soeur. Très peu de Camerounaises. Même au Canada, c'est pris. 99% des Canadiens, des Africains au Canada mettent les faux cheveux. Pourquoi 99%? Parce que ça vient de l'Afrique, parce qu'on a habitué. Aux États-Unis, c'est autre chose. Il n'y a pas une Américaine qui a les cheveux naturels, non. Pourquoi? C'est une mauvaise habitude qu'on a de l'Afrique. Moi, je pense que ça va de génération. C'est une possession. C'est comme un sort. Ça va de génération en alors, génération. Alors, ma soeur, tu t'assois dans une assemblée aujourd'hui. Une femme se tient en plein pupitre. Elle dit, les gens disent que les mauvais faux cheveux sont pas bons et autres. Mais voici, je suis une belle créature de Dieu avec les faux ongles. Tu la regardes bien dans les yeux. Elle demande quelqu'un a-t-il des questions. Qu'est-ce que tu poses comme question? Qu'est-ce que tu lui dis? Quelqu'un a-t-il des reproches? Quelqu'un a-t-il des choses à dire? Qu'est-ce que tu lui dis? Je vais lui dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai parce que j'ai vu un nain où on donne les faux cheveux. Je vais lui dire ça. Elle dit qu'elle a le nom de Jésus qui est plus grand. Non, je vais lui dire qu'elle que a chassé le démon qui était dedans. J'ai dit Salomon a été exposé. Voilà, il a été possédé. Oui. On ne tente pas Dieu. Ça, c'est vraiment la tentation quand tu connais la vérité. Frère, je te dis que je mettais. Je vais te montrer les photos. Oui. Je portais les. Demande à mes frères, je portais les faux cheveux là. Oui. Quand j'ai vu. Donc, toi, tu n'as pas entendu les choses sur les faux cheveux. Tu es allé là-bas à la source. Je suis allé, j'ai vu. Je suis revenu, j'ai jeté à la poubelle. Sans que personne te parle. Plus jamais. J'ai eu ma leçon. Plus jamais, frère, plus jamais. Je ne touche même pas aux mains. Je ne touche même pas à ça. Conseil aux soeurs maintenant. Quand, partout où je vais, quand j'étais allé en France, parce qu'après ça, je suis allé en France chez certains frères et sœurs là, la femme du pasteur porte les mèches. J'ai regardé, j'ai demandé au pasteur là que, est-ce que tu sais d'où viennent ces cheveux là? Il me dit, mais ce sont les faits cheveux, c'est juste au matin. J'ai dit non. Je lui ai dit, j'étais en Inde, j'ai vu d'où ça vient. Oui. Ce sont les cheveux qui ne sont pas bien. Il dit, ah, le nom de Jésus anéantit tout. J'ai dit comme si j'étais avec votre réunion tout à l'heure. J'ai dit non, pasteur. Il me dit, non, mais il n'y a pas de problème, même mes filles portaient ça. J'ai dit non, pasteur. J'ai dit, parce que si tu vois. Si tu vois comment, si je dis c'est une réalité, ce que vous voyez sur YouTube, c'est pas le mensonge. Oui. Je lui dis que j'ai vu ça. C'était très possible. Dangereux. C'est très dangereux. Il me dit non, le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Rien ne va arriver aux maisons. Je suis allé dans ces assemblées, toutes les sœurs portaient les promesses, toutes les sœurs. toutes les sœurs portaient. Parce qu'en France, les Africains sont très attachés à ça. Il faut, en Europe en général, les Africains sont très attachés. Et c'est à cette robe-là que cet homme-là est parti faire le business. Oui, il a, oui mon ami, il est allé là-bas. Il s'est dirigé sur ce continent-là. Oui. Et peut-être va employer même tes soeurs. Là, il est devenu super riche. Il est très riche. Il est très riche aujourd'hui. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il m'a dit une chose que nous, les hindous, il m'a dit, quand tu vois un hindou riche, sa richesse n'est pas simple. Mm-hmm. Il m'a dit que nous, on ne devient pas, c'est dignité qui nous donne la richesse. Mm-hmm. Nous, on ne devient pas riche par notre force. Il m'a dit, c'est pas possible. Mm-hmm. Il m'a dit, tous les hindous du monde que tu vois riches, même ici, c'est nos divinités. Mm-hmm. C'est comme ça. Tu ne fais rien sans les divinités. Et par conséquent, ils ont reçu le sacrifice à donner. Bien sûr. Et ça coûte la vie et le sang. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est donc pour cela que même dans leur boutique, ils ont généralement les encens qui brûlent. Oui, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Il faut toujours... Quand tu connais la mentalité, les Indiens sont toujours en prière. Parce que quand j'habitais chez mes amis, j'ai remarqué que leur père était toujours en prière. Ils sont toujours... Ils prient plus que nous, les chrétiens. Mais seulement, ils ne prient pas Dieu, ils prient leur divinité. Ils sont toujours en prière. Ils ont des, ce qu'ils appellent les swamis, là. Les maîtres hindous. Oui. Les maîtres hindous dans les temples, qui sont toujours en prière. Toujours en prière. Ils sont seulement là pour prier. Et les Indiens, j'ai 2 mois, 3 mois à sec. Ben, ils sont d'une puissance. Frère, j'ai vu les Indiens, j'ai secoué. Moi, quand quelqu'un me parle de l'Inde, je dis seulement que vous ne savez pas quoi, à qui vous avez affaire. Ils ont des spécialistes juste pour jeûner. Jeûner et prier. Et quand tu viens avoir un problème, tu as 24 heures pour que ce soit résolu. Les Indiens ne s'amusent pas. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il m'amène dans d'autres temples. Je suis allé voir le grand temple, il dit que ça me suffit comme ça. Parce qu'ils pratiquent tellement. Eux là-bas, c'est... Nous ici, on dort. Vraiment, on dort. Donc, c'est là où on entend des gens dire qu'ils ont commandé des bagues de la... C'est vrai. Et qui viennent de l'Inde. C'est vrai. Et ils transmettent là-bas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, frère. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu entends magie, c'est vrai. C'est vrai. Puisque chaque temple a sa spécialité. Ils sont très bien organisés. Et ceux qui prient là, qui prient 24 heures sur 24, ce ne sont pas les mêmes. Ils changent. Et ils ont des nominations. Si toi, ton rôle est de prier, l'autre, son rôle est peut-être de, je sais pas, de tuer l'autre. Ils ont plusieurs fonctions. Et c'est comme ça qu'ils travaillent ensemble. Et ils m'ont dit que tous les Indiens du monde sont connectés en Inde. Ils m'ont dit ça. Quand tu vois un hindou quelque part, il n'est pas seul avec nous. Ils sont connectés. Il me dit que toutes les demandes des hindous du monde viennent chez nous. C'est nous qui les donnons le pouvoir. Il me dit que rien ne vient en de l'Inde pour les hindous. C'est pas possible. Il ne parle pas beaucoup des autres nationalités, mais il parlait beaucoup des hindous. Il dit que même l'hindou que tu as vu dans ta famille, dans ton village au Cameroun, il est connecté à nous. Dès qu'il y a un problème, nous appelons, on réagit, il dit 24 heures. C'est pour ça qu'on veille toujours. Ils sont terribles, frère. Qu'est-ce qu'ils pensent du Seigneur Jésus? Vous avez échangé... J'ai un peu de mal. Ils disent qu'on prie. Ils m'ont dit qu'on prie. Je vais boire après. Ils disent qu'on prie un Dieu qui dort. Que le Seigneur Jésus ne reprend pas vite. Ce n'est pas qu'il nie le Seigneur Jésus, mais il trouve que c'est un homme normal. C'est tout. Ils ont les preuves palpables de leur divinité à eux. Ils savent que le Seigneur Jésus est tout-puissant. Donc, ils ne l'approchent même pas. Et ils disent toujours que nous, on n'est pas là pour offenser les gens. Nous, on fait notre business. C'est ça. Nous, on fait nos choses. Si toi, tu crois à Dieu, parce qu'il y a 1% des chrétiens en Inde, ils ne sont pas persécutés, par contre. Ils ne sont pas persécutés, ils sont bien. Mais ils ne se mélangent pas. Si toi, tu crois en Jésus, reste là-bas avec ton Jésus, mais ne viens pas dans les choses. Quand tu viens dans les choses, eux, c'est les divinités. Ils respectent, ils croient au Seigneur Jésus, ils l'adorent pas, ils le respectent, ils savent que c'est le plus fort. Qui reste dans son territoire. Donc, quand tu es pasteur, tu viens, il te dit que nous, on n'adore pas, va là-bas. Va là-bas. Nous aussi, on veut concret. Le Dieu que tu pries là, tu entends, le Dieu que tu pries là, tu entends des années, c'est vous. Nous, on ne croit pas ça. Nous, on veut le tic-tac. Même ceux qui vont à l'école, là, ils ne vont pas à l'école sans prier, jamais. Même ceux que tu vois intelligents, ils ont quelque chose. La vie d'un Indien, tout Indien est sorcier, si tu veux. Tout Indien, même s'il a 2 ans, tout Indien est sorcier. Tout Indien, c'est là. L'espérance de ton espérance, en Inde. Frère, les cheveux là, je n'ai jamais oublié ça. Moi, quand je vois une Africaine qui poil les cheveux, j'ai pitié d'elle, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a sur la tête. Et puis c'est tellement vrai, il m'a dit que le but c'est de faire du mal. C'est ce qu'il a ouvert la bouche. Oui, il me dit que nos divinités ne sont pas là pour aider. Ils nous aident, mais ils font du mal. Il faut que quelqu'un paye. Alors c'est vous qui payez. C'est en quelque sorte la loi du karma. S'il prend ici, il faut qu'il paye ici. Exactement. Il dit c'est vous qui payez. Quand vous partez acheter, vous ne savez pas ce que. Il dit que tu as vu. Je ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu es gentil que je te montre ça. Tu as vu. Maintenant, dis-moi, dis-nous, parce que pour tout ce qui nous écoute maintenant, la femme d'un pasteur dit par révélation qu'elle a eu la grâce, Dieu lui a donné une vision d'ouvrir un grand salon de coiffure. Non, c'est faux. Non, je ne veux même pas chercher. Ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai vu là. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas. Elle commence à mettre maintenant les mèches dans la tête des soeurs. Non, ce n'est pas possible. Elle a des soeurs pour les sortir de la précarité. Frère, je ne peux même pas accepter. C'est fou. Moi, je lui dirais que ce que tu dis, ça ne peut pas être de Dieu parce qu'il sait ce qui se passe. Il me dit que dit aussi d'une soeur maintenant qui a souffert au point où elle est allée faire les stylistiques à l'école, le quoi, les styles à l'école, les tresses à l'école. Et puis maintenant, un frère aussi la voit comme ça pour l'épouser, lui ouvre un grand salon de coiffure. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est... Non. Le pasteur dit commence à donner les dîmes de tes coiffures. Non. Frère, peut-être si tu as la chance, il faut que quelqu'un t'amène là-bas. Oui. Ça fait peur. Quand tu vois comment ils font leur rituel. Ils vont même là-bas, ils vont commencer à dire au nom de Jésus que ça va se saccager là-bas. Non. Ils vont te chasser même avant. Parce qu'ils savent, ils ne dorment pas, ils voient. Oui. S'ils voient que tu as un esprit trop dominant, peut-être ils ne vont pas te faire laisser passer. Ils ne sont pas bêtes, ils voient. Ils voient, ils ont les maîtres là. C'est des gens qui jeûnent constamment. C'est des gens qui jeûnent. Et puis, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas les objets. Quand ils m'ont dit que vous ne savez pas ce que vous mettez dans vos bouches, j'étais choqué. Oui. Dit que la viande que vous mangez n'est pas la viande. C'est ça que nous, on ne mange pas la viande parce qu'on sait. La viande que vous mangez, là, nos divinités changent ça tout le temps. C'est pas la viande. C'est la divinité qui change. Oui. Et quel est le but de changer cela? Pour prendre les gens malades, pour faire souffrir les gens. Dit que la viande que tu vois à la boucherie n'est pas la viande. Oui. Peut-être qu'on a tué le bœuf, mais nos divinités changent. Ils prennent la viande du monde des ténèbres, ils mettent la puits, et puis ils prennent la vieille viande. Quand le boucher revient, il croit que c'est la meilleure, mais ce n'est pas la vieille viande, c'est la chair humaine. Il dit, tu as même déjà mangé la chair humaine sans savoir. Il dit, nous, on ne met pas la viande parce qu'on sait que ce n'est pas la viande. On arrive à la fin. On résume encore. Donc cet homme-là dit que les cheveux qu'il part donner, le but c'est quoi? Détruire. Oui, faire du mal. Donc, clair. Donc toute personne qui part prendre ses cheveux là. Il cherche sa mort. Moi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je dis ça. Moi, tu ries, c'est ça. Mais moi, je te dis, quand je suis arrivé, j'étais. Hey. Moi, je n'ai même pas hésité. Tu n'as pas eu une vision venant de l'enfer. Tu n'as pas de vision, j'ai vu. Tu n'as pas eu de vision au Seigneur qui t'a dit. Non, je n'avais pas besoin de vision. Je n'ai pas sa tu étais là-bas. L'autre, ce n'était pas la révélation. Non. C'était la vie direct. Pratique directe. Et la personne qui le fait te dit clairement c'est à quoi c'est destiné. Oui. Maintenant, ta soeur te dit qu'une chrétienne te dit en disant que non, ça c'était ta relation personnelle avec ce monsieur. Non, j'ai dit non. Il n'y a pas de relation personnelle, c'est trop vrai. Ça est juste à Turipati, c'est toujours là, plus que c'est un gros but. Oui, en Inde, dans le sud. Oui, à côté, dans la même ville que Microsoft, qui ne connaît pas cette ville-là. Voilà. J'ai vu comment la technologie a évolué en Inde. Oui. La technologie a évolué en Inde. Et puis j'ai demandé à ce genre, mais comment vous êtes avancé dans le monde? Il dit que tu crois que les dieux que nous ont pris d'hommes, c'est eux qui nous donnent tout ça. Maintenant, les Africains sont laissés réveiller en disant que voilà, maintenant les Chinois et les Indiens qui se concentrent, ils travaillent. Les Africains se réveillent. Non, ils veulent qu'on adore ces dieux-là. Ces dieux-là non, ils ne travaillent pas. Ils m'ont dit que tout ce que tu vois là, ça existe dans le monde des ténèbres depuis. Vous êtes en retard. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils t'ont dit? Oui. Il me dit les techniques par les cell phones. Il dit les démons qui utilisent le téléphone depuis. Ils utilisent que ça c'est ça, c'est démodé dans le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils disent que c'est nous, c'est nous qui donnons l'inspiration. Vous croyez que ça vient d'où? Que votre Dieu que vous priez ne donne pas des choses comme ça. Voilà, que ce n'est pas pour lui là-bas. Non, ce n'est pas son niveau. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui là-bas. Dis, lui, nous dominons le monde parce qu'on adore les vrais. Les vrais. Les vrais qui réagissent. Tu pries, donne. Il dit, j'appelle Shiva maintenant, il vient, mais quand il vient, il rentre sans tuer. Moi, il ne veut pas que tu meurs là. Il dit, il va venir par le toit, il va atterrir ici, mais quand il va rentrer, il va te prendre. Maintenant, toi également, en faisant, après tu es rentré, tu as pris ta Bible, tu lis, tu as demandé certainement les choses à Dieu, Dieu ne t'a pas répondu. Pas vrai? Dieu ne répond. Il répond maintenant, je sais qu'il répond tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il n'avait pas répondu, Ticota, comme ce que j'avais vu en Inde. N'essaie pas de le protéger, d'accord? Nous sommes d'accord que le Dieu de la Bible répond à sa guise, non? Oui. Souvent, tu parles, même il ne répond pas. Tu cries, même tu pleures, tes yeux se gonflent, il ne répond pas. Oui. Il n'y a qu'un petit travail comme ça dans le truc que tu dois avoir. Tu pries fatigué, il ne donne pas. Il donne même à quelqu'un à côté de toi. Oui. Ça ne te choque pas, ça? Ça choque. Maintenant, ça ne t'a pas fait que tu plies un peu ton cœur vers l'Inde? Non. Arrêtez sorcellerie là. Qu'est-ce que t'attaches à ce Dieu c'est qui non, qui répond? Parce que eux c'est le grand frère. Quand quelque chose te dépasse là, tu fuis seulement. C'est trop fort. Non, arrêtez sorcellerie là. Frère, si tu vois, je n'ai jamais vu l'or de ma vie. Comment une maison peut être conçue en or? Comment une maison peut être conçue en or? Comment c'est Jean normal? A vu cela dans l'Apocalypse, dans la vision, lui était étonné. Toi, tu as vu ça physiquement? Alors, ma soeur, pour conclure maintenant, tu as voyagé en Inde. Tu as vu de tes propres yeux, le Seigneur a permis que tu entres dans ce temple-là pour voir les divinités. Et il m'a protégé parce qu'ils font beaucoup de sacrifices humains. Justement. On pouvait te tuer. On pouvait me sacrifier. Justement. Et tu es rentré, justement, pour que les gens puissent entendre comme ça. Donc maintenant, ça, c'est un voyage en Inde pour voir et venir dire à tes soeurs. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire, pour tous ceux qui nous écoutent sur Bamba Iba, qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant? Et les pasteurs, et les femmes chrétiennes, et ceux même qui vont tomber là-dessus et qui ne vont pas savoir, qui ne sont pas ni chrétiens et qui travaillent dans le salon de coiffure et quoi que ce soit. Elle dit que c'est tout ça, c'est possédé. Elle dit qu'il n'y a pas de cheveux sur le marché qui ne sont pas possédés. Que ce soit artificiel, tout ça, c'est des histoires. C'est tout possédé. Ils possèdent tout ça. Ils font des rituels avant de couper. Ce n'est pas qu'ils coupent. Ils font des rituels. C'est un processus. Donc, il est hors de question que les cheveux qui sortent de ce temple ne soient pas possédés. C'est impossible. C'est impossible. Ton guide qui est assez riche, a dit. Lui, il a dit, les autres m'ont dit. Puisque c'est toute sa famille, ils m'ont dit. Ils ont dit la même chose. Oui, ils m'ont dit la même chose. Ce n'est pas que quelqu'un parle, son frère parlait, son oncle parlait, j'écris parlait. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ignore en Afrique. Tout ce que moi je vais dire aux sœurs, ce n'est pas toucher aux cheveux. Là. Quand moi je vais à mon côté, je vois ça, je pleure. Quand je vois les gars qui vendaient même ça, je pleure. Quand je vois les femmes qui ont le salon de coiffure, ça me fait mal. Les gens voyagent ici pour aller acheter ça. C'est terrible, faire c'est terrible. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils sont les évangélistes. Ils ne savent pas ce qu'il faut. J'avais suivi une émission où le blanc, la compagnie allemande qui achète ces cheveux-là, transforme. Moi, je me demande s'ils font ça sciemment. Moi, je pense qu'ils savent que ces cheveux sont possédés. Parce que quand ils viennent acheter ça en Inde, on leur dit d'où ça vient du temple hindou. Ils savent. Mais eux, c'est le business. Et parce qu'il y a des esprits là, c'est pour cela que ça prospère. Parce que ces esprits-là travaillent pour la réussite. C'est pour cela que ça prospère. C'est pour cela que ça prospère. Mais tu ne vas pas voir une Indienne, une seule. Moi, j'ai des amis indiennes qui se sont mariées au Canada. Celles qui avaient les cheveux courts, je n'ai pas vu qu'elles ont fait des rallonges. C'est toujours les Indiens ne touchent pas ces cheveux-là. C'est ça qui est miraculeux. Tu vas montrer ça à une Indienne, elle va te dire qu'elle ne peut même pas toucher à ça. Elle va te dire ça. Et celle-là ne prie pas Jésus. Elle ne prie pas Jésus. Elle va te dire, this is not good. Elle sait, tous les Indiens savent. Sont les chrétiennes maintenant. Ce n'est que nous. Bonne arrivée à toi, ma soeur. Et bon séjour. Merci. Bonne arrivée, la soeur. Hein. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bonne soirée. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout le puissant, tu es qui donc pourrait se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guéri des guéris, tu es tout puissant, tu es les mots me manquent. La grandeur de Dieu, les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Si tu es mes desseins, et c'est pas tout. commandements, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que la grandeur de Dieu.